那中气喽。 The Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma ! Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, c'est à la radio, mais c'est aussi sur Internet, sur le site toilesetsillons.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions à écouter en direct sur le site, à télécharger pour les emmener partout avec vous, ou bien vous abonner au podcast pour ne manquer aucune émission et les recevoir chaque semaine directement sur votre lecteur. Pendant une heure, nous allons écouter des bandes annonces de films, des musiques et des chansons de films, et on va commencer comme d'habitude en chanson avec un film qui vient de sortir, une nouvelle adaptation de La Belle et la Bête, dont l'une des plus célèbres reste celle de Jean Cocteau. Mais là, c'est un film réalisé par Bill Condon avec Emma Watson et Dan Stevens. Et dans le dessin animé Disney, La Belle et la Bête, il y avait Céline Dion qui chantait une chanson, la chanson du film. Et bien dans celui-ci aussi, Céline Dion chante How Does a Moment Last Forever, cet extrait de la bande original de La Belle et la Bête. How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try.Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place stand still. Love lives on inside our hearts and always will. Minutes turn to hours, days to years and gone. But whenAll else has been forgotten, still our song lives on. Maybe some moments weren't so perfect, maybe some memories not so sweet, but we have to know some bad times, or our lives are incompleteAnd when the shadows overtake us, just when we feel all hope is gone, we'll hear our song and know once more our love lives on. How does our happiness endure through the darkest of our troubles? Love is beauty, love is pure. Love brings no mind to desolation. It flows like a river through the soul, protects, precedes, and perseveres, and makes us whole.To hours, days to years that go. But when all else has been forgotten, still our song lives on. How do was a moment lost forever when our song lives Céline Dion, extrait de la bande originale du film La Belle et la Bête, qui est sorti il y a quelques semaines. La chanson, c'est How Does a Moment Last Forever? Première bande-annonce de ce Toiles et Sillons. C'est le retour de la grosse bébête King Kong. King Kong, l'accroche du film, c'est King Kong n'est pas né roi, il l'est devenu. C'est un film Kong Skull Island, réalisé par Jordan Vogt Roberts, avec Tom Hiddleston et Samuel Jackson. On va écouter la bande-annonce du film, et puis juste après, un extrait de la musique qui est signée Henry Jackman. Ces images sont des photos d'une île du sud du Pacifique. Le point de rencontre du mythe de la science. On fait trembler la Terre à coups d'explosifs pour cartographier la surface de l'île. Vous lâchez des bombes. Des instruments scientifiques. C'est quoi, un singe ? On dégage ! Une vraie merveille. Vous saviez que cette chose était là ? Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous. Avec la preuve que les monstres existent. Wow. Votre ami là, qu'il pose son arme. C'est quoi cet endroit ? C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il reste à l'écart la plupart du temps. Mais quand on entre chez les gens en commençant par lâcher des bombes, c'est qu'on cherche la bagarre. Kong est dieu sur cette île, mais les démons vivent sous nos pieds. Comment vous les appelez ? Les rampants de l'île du crâne. Pourquoi ? J'avais encore jamais dit ça tout haut, ça fait débile dit à haute voix. Bah, appelez-les comme vous voulez. De bons gars. Ouais, on va tous crever ensemble ici. Vous auriez pas dû venir. En 1979, Jean-Jacques Hano réalisait ce très beau film avec Patrick Devers, Coup de tête. On vient d'entendre un extrait de la musique signée Pierre Bachelet. Ça a été l'un des grands succès de dessin animé de l'hiver dernier. C'est un film français, Ballerina, signé Eric Sommer et Eric Varin, avec entre autres les voix de Camille Cotin et Malik Bentala, l'histoire de cette orpheline qui n'a qu'une passion, la danse. On va écouter la bande-annonce de Ballerina, et puis juste après, une chanson extraite de la bande originale de ce film. C'est le groupe Magical Thinker avec You Know It's About You. Où est Félicie? Depuis que je suis toute petite, je pense qu'à danser. Si on s'enfuit ensemble ce soir, tu deviendras la meilleure de toutes les danseuses et moi, je deviendrai le plus grand inventeur de tous les temps. Non. T'as un plan? Un plan infaillible. Bye bye. Quoi? Bienvenue à Paris, princesse. C'est quand la dernière fois que tu t'es lavé les dents? Ça y est, je suis danseuse à l'opéra. Enfin, je suis élève pour l'instant. Vous êtes là grâce à votre ténacité et votre talent. Sauf vous. Dès demain, nous commencerons les auditions. Chaque jour, l'une d'entre vous sera éliminée. Tu n'as qu'une adversaire. Camille, sa technique est parfaite. Tendu, plié. Et le mot perdre ne fait pas partie de son vocabulaire. Demain matin, entraînement à 5h. 5h du matin? Moi, je suis une étoile, alors que toi, tu ne brilleras jamais. Tu dois apprendre à maîtriser ton vertige. Alors, je n'aurai jamais ce rôle. Si, tu l'auras. Tu as dans le cœur quelque chose qu'elle n'aura jamais. La passion. Il y a un garçon, il est beau gosse. Il dit que je vais devenir une étoile. C'est ce que je t'ai toujours dit. Danse avec tout ton cœur. Tu fais de la danse ou du kung-fu? Oh, t'es tellement drôle. Victor, où est Félicie? Une école de danse à Paris. L'opéra de Paris. Félicie, je sais que tu rêves de devenir danseuse, mais les rêves ne se réalisent pas. Ce soir, on s'échappe. Tu deviendras une grande étoile. Et moi, je deviendrai le plus grand inventeur de tous les temps. T'as un plan? Un plan infaillible. Voici mes ailes de poulet ressemblant, non? Mais t'es bête ou quoi? Les poulets, ça ne vole pas. Bien sûr que si, ça vole. Il faut jamais renoncer à ses rêves. Thank you. all about you. Gotta know, you can do it on your own. Guess that's why I wrote this song. You know it's about you, it's always about you. Never let a dream grow cold, even when you're losing hope. Guess that's why I wrote this song. You know it's about you, it's always about you. So there you go. Du cinéma italien dans Toiles et Sillons avec en 1968 Ramdam à Amsterdam, pardon. Titre original El Magnifico Tony Carrera, réalisé par José Antonio de la Loma. On a entendu un extrait de la musique qui était signée Gianni Marchetti. En 1979, Henri Verneuil mettait en scène Yves Montand pour ce film I comme Icare, où à la suite de la mort d'un président d'État fictif, le procureur Henri Volney, qui s'est penché sur ce décès, refuse les conclusions de l'enquête. Il parvient à interroger un témoin qui lui dévoile la part d'ombre de cette histoire, mais les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu'il découvre la vérité. Et à partir de là, ça sent mauvais pour le procureur Volney. Un film inspiré de l'affaire John Kennedy. Avant d'écouter un extrait de la musique du film qui était signé Ennio Morricone, on va écouter un reportage où Henri Verneuil et Yves Montand étaient interrogés pour le journal télévisé sur I comme Icare et les tenants et aboutissants de cette histoire. D'un côté, une enquête policière devant un meurtre, et quel meurtre ? C'est la mort d'un président. Et puis à un moment donné, cette enquête débouche sur une réflexion, et cette réflexion c'est la soumission à l'autorité. Dans l'histoire de l'humanité, on a tué beaucoup plus de gens par obéissance que par toutes les rébellions et toutes les révolutions réunies. Quand vous prenez 300 000 étudiants amassés devant une ambassade et des otages de l'autre côté, soumission à l'autorité, cette autorité étant une autorité religieuse. À l'autre bout du monde, vous prenez des gens qui ont un fusil et qui tirent, soumission à une idéologie. Yves Montand joue le rôle d'un procureur intègre qui refuse les conclusions du rapport sur le meurtre du président de son pays. Il reprend l'enquête à zéro. Pourquoi Karl-Éric Dachenau aurait tiré sur le président alors qu'il est établi qu'il n'avait pas la moindre raison de le faire? La recherche de la vérité coûte très cher quelquefois, mais je pense que c'est dans l'homme. Je pense que quand on a la possibilité de rechercher cette vérité, je pense que quelle que soit votre position dans la vie, et si vous avez la possibilité de le faire, je pense qu'il faut la mener à bien. Et qu'il faut essayer en tout cas, quels que soient les risques. Sinon, il n'y a pas de vie possible, je crois. Je pense que s'il n'y a pas le spectacle, s'il n'y a pas le côté spectacle, vraiment spectacle, il est difficile de faire, d'ouvrir certaines portes qu'on veut garder volontairement fermées. Le but, ce n'est pas du tout pour faire humanitaire à tout prix, je suis comme tout le monde aussi. Je donne aussi mes coups de pied dans le tibia comme tout le monde, je suis agressif comme tout le monde, et je suis aussi cruel comme tout le monde, parce que nous sommes comme ça. Je crois que les gens, on a beau essayer de leur ouvrir les yeux, je pense qu'ils veulent les garder fermés, parce que c'est d'abord beaucoup plus sécurisant, et puis aussi pour garder une certaine chaleur, et puis parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face, et que ça les gêne, la réalité, et que ça les affaiblit, et que je m'associe à tous ces gens-là. Attention, je ne suis pas l'exception, naturellement, et je pense que ils ont peur de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et je pense que quand on a la possibilité précisément de démontrer certaines choses, je pense qu'il faut le faire. Minos adopte le déclenchement de l'opération I comme Icar. L'opération I comme Icar doit intervenir le 17 juin avant minuit. Cet homme, c'est le procureur Volney. Procureur Volney, vous êtes ce soir l'homme qui a fait l'événement. Comment expliquez-vous ce mystère? Trois douilles presque impeccablement alignées côte à côte. Il y a quelque part dans cette ville un homme qui m'a vu, qui connaît mon visage et qui va parler. Vous rendiez-vous compte que vous commettiez un acte cruel contre une victime innocente? Quand on ordonne à un pilote de lâcher une bombe sur une ville, il se demande pas si c'est bien ou mal de lâcher la bombe. Il lâche la bombe. Hé, hey, monsieur! Vous m'entendez? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Monsieur le président de la Haute Cour, je vous demande la permission de me retirer devant cette série d'insultes à l'honneur de notre pays. Assieds-vous, général Barine. La vérité n'a ni honneur ni pays. Il faut l'admettre telle qu'elle est. Vous êtes un parfait salaud, vous, hein? Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur. Police! Personne ne bouge! Tout le monde est mis en l'air! Là-haut, sur la terrasse, je l'ai vu tirer! 20 000 témoignages, 30 volumes de descriptifs, d'annexes, de pièces à conviction, 682 pages. Tel est le rapport qui sera remis au chef de l'État et qui sera rendu public très prochainement. Vous savez, quand l'imaginaire ne prend pas sa source dans la réalité, ce n'est pas très bon. Une petite incursion dans la télévision, dans Toiles et Sillons, le petit écran réalisé en 1993, une adaptation de Lady Chatterley. Et c'est Jean-Claude Petit, grand compositeur de musique de film, qui avait fait la musique de cette mini-série Lady Chatterley. Retour au cinéma. En 1977, Richard Donner, grand réalisateur américain, réalisait La Malédiction, The Omen, avec deux grands acteurs, Gregory Peck et Lee Remick, un film thriller, un film d'épouvante, où un ambassadeur des États-Unis réalise que son fils de 5 ans, Damien, n'est autre que la réincarnation de l'Antéchrist. On va écouter la bande-annonce en version originale de La Malédiction, et puis juste après, un extrait de la musique signée encore d'un grand. Il s'agit de Jerry Goldsmith. Et puis juste après La Malédiction, une nouveauté encore, le retour et le dernier épisode de la série de Wolverine, avec Wolverine pour héros et Hugh Jackman, bien sûr. Il s'agit de Logan. On écoutera la bande-annonce et la musique signée Marco Beltrami. For generations, the Thornes have been a family of tremendous wealth, position and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then, when the child was 5 years old, something terrible happened. And then, it happened again. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an omen? Look at me, Damien. It's all for you. Twentieth Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. I was at the hospital, Mr. Thorne, the night your son was born. I saw its mother. I have fears. I have fears. What kind of fears? It's mother, Mr. Thorne. You saw my wife. It's mother. What is it you're trying to say? His mother was a... This is not a human child. Make no mistake. There are those who will die for him. There are those who will kill for him. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he be stopped? Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. If this is the truth, where does it end? Eh oh, il faut payer, tu sais. Bon, donne. Non, pas bien. On se retrouve avec une fan d'X-Men. Il n'y a pas un quart de vérité là-dedans. Et puis pas comme ça. Dans la vraie vie, les gens meurent. Logan. Je veux pas en parler. Logan. Ça suffit. Sois prudent. C'est la fille que je veux. Quelle fille? Va chercher. Non. And we're down. Oh, oh, oh, oh. Oh, we're down. Oh. Elle est comme toi. Vraiment comme toi. Quoi que tu penses, je suis pas ce que tu crois. Elle a besoin de notre aide. Quelqu'un va venir. Quelqu'un est déjà là. La vie, ça ressemble à ça. Des gens qui s'aiment. Une maison. Prends le temps d'y réfléchir. Imagine. Il est encore temps. Toiles et Sillons, c'est l'émission qui écoute le cinéma et qui écoute tous les cinémas. Nous étions à l'instant dans les années 30, en 1934, avec le film de Richard Wallace, The Little Minister, qui est sorti en France, en province uniquement, sous le titre Le Petit Ministre. Ça se faisait beaucoup jusque dans les années 60-70, que les films sortent dans les circuits en région, mais pas à Paris. Il n'y avait pas de sortie nationale. Et les films étaient exploités seulement dans certaines régions. C'est un film avec Katharine Hepburn, Le Petit Ministre, The Little Minister de 1934. On vient d'entendre la musique signée Max Steiner. Et nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite, bien sûr, à la radio. En attendant, sur Internet, sur toilesetsillons.fr, vous pouvez retrouver toutes les émissions à télécharger, à écouter en direct ou vous abonner au podcast pour ne manquer aucune émission de Toiles et Sillons. On se retrouve aussi sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle tout simplement Toiles et Sillons. Vous cliquez sur j'aime et chaque semaine, vous serez tenu au courant des nouvelles émissions qui paraissent. On se quitte avec un film sorti récemment qui s'appelle Si j'étais un homme, premier film de la en tant que réalisatrice de la comédienne Audrey Dana, où elle joue évidemment dedans. On retrouve aussi Alice Belaïdi, Christian Clavier, Eric Elmosnino, une comédie sur l'histoire d'une femme qui ce matin se réveille dans la peau d'un homme avec tous les inconvénients et les découvertes que ça peut engendrer. On va écouter tout d'abord la bande-annonce du film et puis juste après la musique signée Emmanuel d'Orlando. Je vous souhaite une très belle fin d'émission Toiles et Sillons. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Je m'appelle Jeanne Clairet. Je suis architecte en bâtiment. Vous êtes perdu ou quoi? Voici mon collègue. Un suppôt, une tisane et puis hop, on s'y met là, Jeanne. Hein. Ma super voisine, Marcel. Et enfin, ma raison de vivre. Mes deux enfants. Et bien sûr, le papa qui va avec. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, presque. Elle est enceinte. Je vais lui présenter les enfants. Quoi? Et on va prendre un avocat. Tant que je pensais qu'une garde alternée... Pardon, j'ai... Mon père avait raison. Ça aurait pu une enceinte derrière. Laissez-moi. Voilà, alors en fait, c'est apparu hier matin et en plus maintenant, ça fait mal. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous ne me rassurez pas du tout, là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Et après, lève-la. Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant. Évitons la vulgarité. Hein? Quelle meuf au monde a pas rêvé de savoir ce que ça fait d'en avoir une? Moi? Vas-y, saute. Si ça se trouve, tu vas voler. On se lève, on se serre la main et on travaille ensemble. Mais quelle énorme connerre! Elle est un peu spéciale en ce moment, on sait pas trop ce qu'elle a, mais il n'y a pas de souci. Vous voulez pas venir, c'est quoi votre truc avec les filles? Enfin, je veux dire, comment vous y prenez, quoi? Mais elles sont obligées de s'habiller, Simon. À quoi tu joues, là? Je croyais que t'étais pas un homme. Jeanne, elle est super. Les femmes, tu vois, elles assument parce qu'elles ont pas peur. Allez, tout ira bien. Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air très inquiet quand même. Du tout. Ah, du tout, du tout, du tout. J'arrive, j'arrive. Ah! We'll be right back.